premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la Révolution française et à ses relectures contemporaines. Et quoi de plus contemporain qu'un film qui sort en salle mercredi aujourd'hui, le cinéaste Pierre Scheler pour son film « Un peuple et son roi ». Où en est-on aujourd'hui des débats et des discussions autour de la Révolution française, presque 30 ans après le bicentenaire? Nous allons saisir l'occasion de la sortie en salle du film de Pierre Scheler, Un peuple et son roi, mais aussi de nombreux livres, dont un qui résumera, c'est l'invité de demain, 200 ans de querelles autour de cet événement majeur de notre histoire, pour nous poser cette question très simple. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir le cinéaste Pierre Scheler, qui sort mercredi en salle le film qu'il a écrit et réalisé, et c'est important d'avoir les deux termes, écrit et réalisé, Un peuple et son roi, un titre qu'il faut prendre au pied de la lettre, ou plutôt des deux lettres qui forment la conjonction « et », car il s'agit bien de travailler sur la relation entre le peuple de Paris et Louis XVI. Bonjour Pierre Scheler. Bonjour. Merci d'être ici pour votre film qui sort donc mercredi en salle. Vous serez d'ailleurs demain chez Marie Richeux aussi pour l'évoquer, ce film, dans cette grande tournée que vous avez dû entamer il y a quelques semaines à travers la France pour faire la promotion de ce film qui sort. Pourquoi vous êtes lancé dans une entreprise qui est terriblement difficile chez les cinéastes en particulier, parce que tout compte fait, les films sur la Révolution française sont peu nombreux, et les films très réussis sur la Révolution française sont encore moins nombreux, tout simplement parce que cet événement est un événement monstre, et qu'il faut le résumer parfois en une heure, en deux heures, comme c'est le cas pour vous, ou en plusieurs parties, parce qu'on n'arrive pas à l'embrasser totalement. Alors, comme toute bonne question, la réponse est dans la question. je veux dire par là que vous avez désigné le fait que la filmographie sur la Révolution française n'est pas totalement un désert, mais habitée de quelques films importants, qui d'ailleurs viennent assez régulièrement nous rappeler l'événement dans la culture et l'inspiration des cinéastes sur ces événements. En fait, ça commence en 1887, mmh, avec deux petits films, un sur la mort de Marat et un sur la mort de Robespierre. Et c'est étonnant, j'ai jamais vu ces films. On va essayer de les montrer ce soir à la Cinémathèque. C'est une surprise, mais je sais pas si on va pouvoir le faire, parce que ça dit beaucoup de choses. Mais on y reviendra, je pense, sur cette question. Concernant mon travail, j'aime bien aller là où je me sens un peu mis en danger, où je me sens un peu dans l'inconnu, où je me sens inculte, et je fais un travail d'approche, d'imprégnation, de me déjuger, de me déprendre de moi-même par rapport à ce que je fais. Et c'est toujours une grande émotion personnelle de découvrir à quel point ce que j'ai pu apprendre, ce qu'on a pu me dire d'un événement ou de personnages ou d'êtres ou d'actions sont très loin de ce que je peux percevoir dans une connaissance plus proche telle que les historiens ont travaillé depuis des siècles, mmh, sur ces événements. Et encore aujourd'hui, je crois que ce film, il existe tel qu'il est parce qu'il y a eu le travail d'historiens que j'ai rencontrés qui sont à peu près de ma génération, à peu près, mmh, et le dialogue avec ces historiens a été très important pour le film. Après, moi je suis quelqu'un qui part de quelques intuitions. J'avais l'intuition que je voulais essayer de montrer un temps où la politique et la notion très vaste de peuple marchaient ensemble, faisaient quelque chose ensemble. Je voulais partir de l'intuition que ces femmes étaient importantes dans les événements révolutionnaires. Et je pars aussi de l'intuition que le cinéma a la puissance, a les ressources pour aller filmer un événement aussi complexe, aussi ample, aussi à la fois des fois extrêmement simple, des fois extrêmement hésitant, fragile. Et je parle trop. Non, pas du tout. Et le « et » est important, puisque je disais que dans le titre, le « et » c'est ce qui fait le sel de ce film. C'est-à-dire que vous avez voulu conjoindre le peuple et le roi. Et c'est ce qui, d'une certaine façon, est très original dans votre approche. C'est la relation particulière que le peuple, mais précisons, le peuple de Paris, ça n'est pas le peuple de toutes les provinces de France de l'Ancien Régime, c'est le peuple de Paris, a avec Louis XVI. C'est tout à fait juste, parce que je me méfiais, si vous voulez, de mettre le mot révolution ou un sens connoté révolution dans le titre, parce que d'emblée, ça propose au spectateur la chronique historique. Soit exhaustive, soit avec un angle, etc. Et ce est qu'il y a entre un peuple, qui est le premier terme du titre, donc ça dit bien d'où on part, et son roi, et donc on dit bien aussi que le roi est celui dont le sentiment du peuple, et le « et » situe l'émotion, bizarrement, plus que la relation de politique ou de traité constitutionnel ou de traité politique, parce que le « et » est tellement ample, est tellement incertain, est tellement mouvant que et que le film essaye vraiment de se balader à la fois dans l'imaginaire, que dans les faits historiques, que dans les contradictions qui peut se jouer autour de cette figure du roi. C'est ça qui est étonnant, c'est que qui dirait aujourd'hui que les deux premières années de la Révolution se fait avec le roi? Même si le roi résiste, mais elles se font avec le roi. Nous voulons du blé, du pain et des rois. Que le roi qui Versailles à Paris dans nos murs. Que le roi qui Versailles à Paris dans nos murs. La liberté nous donnera du pain et des ailes. La liberté nous donnera du pain et des ailes. Nous avons des choses à vous dire. Où sont les coquins qui ont accordé le veto au roi? Nous sommes à l'Assemblée ici. Faites que les farines échappent aux accapareurs et nous soient redonnées. Faites que la cocarde ne soit pas insultée. Le pain est rare. Il faut se lever dans la nuit pour espérer avoir une miche. Le pain, les bonnes lois, c'est pareil, c'est de l'espoir. Les nouveaux droits, l'égalité. Écoutez-nous! C'est ça que nous voulons. Je vous prie une seule voix à la fois. On a faim! Qui d'entre vous porte la parole, s'il vous plaît? Citoyen Maillard, patriote et vainqueur de la Bastille. Messieurs. Messieurs, Paris souffre. Paris a faim. Combien de sacs sont entrés en ville durant ces derniers 10 jours? 53. Oui, messieurs. 53 sacs et 500 sautiers de blé. Pur mensonge! Pour des centaines de milliers de Parisiens affamés. Il nous fout le nez par terre. On ne fait pas du pain avec de la poussière. Messieurs, ne voyez-vous pas que c'est une manœuvre? On est fatigués! On a faim, on n'en peut plus! Ces femmes sont manipulées par le duc d'Orléans. Je ne suis pas autrichienne! Je suis de la Halle. Je suis reine odue. Et j'ai une pierre dans le ventre. Et toi, l'emplumée? T'as quoi dans le ventre? Des rôtis? Des pintades? Alors, la place des femmes est très centrale dans votre film, Pierre Scheler, et en cela, hommage à une historiographie qui s'est développée depuis maintenant 30 ou 40 ans, qui met justement en avant le rôle des femmes pendant la Révolution française. Mais dans cette relation au roi, on y voit aussi ce que on peut comprendre de cette idée que le roi est entouré de méchants et que le roi lui-même est bon et qu'il va falloir le sauver de cet entourage de méchants. Et là, ça rejoint le travail précédent que vous avez mené avec ce formidable film qui était L'exercice de l'État, qui est comment déterminer où est l'État, comment il s'incarne et surtout quel chemin il va prendre pour l'avenir, en l'occurrence. Et il y a cette dimension très forte de cette incarnation royale. On commence le film avec le lavement des pieds le jour du Jeudi Saint. Et de l'autre côté, de cet état en mutation, en transformation, sous les coups de la Révolution, Pierre Scheler? Bah, en fait, je crois que ce qui se passe, c'est que en 89, ils partent pas sur l'idée de faire du passé table rase. Ils partent de ce mot qu'ils ont, qui est régénération. Ils partent pas du mot révolution, et le mot révolution vient un petit peu après. C'est-à-dire qu'ils partent d'une métamorphose profonde, et de la société, et de ses dimensions politiques. Et dans ces mouvements de métamorphose, vous avez la demande d'égalité et la poussée égalitaire. On sait à quel point elle concerne. Elle n'est pas que sur les hommes, d'ailleurs. Elle est sur le monde. Quand il touche au poids et mesure, on touche aussi au monde. Quand on crée les départements, on touche au paysage, on touche à la terre. Et donc ça, je crois que ça, à la fois il faut sentir ces forces transformatrices qui sont puissantes, et c'est là où le mot révolution commence à rentrer dans le jeu, puisqu'il y a l'idée d'un nouveau cycle qui s'engage. Et qui transformation, qui dit force puissante, dit aussi résistance. Et tout, alors la résistance, des fois, elle est manifeste, elle est visible. Et comme le roi est là depuis 1000 ans, qu'il est encore dans le projet politique, et qu'on lui accorde le droit de veto, qui est un droit important, puisque c'est le droit du grain de sable, dans le mécanisme, eh bien, il y a sur le roi ces sentiments très contradictoires qui parcourent la population, mais même les députés. C'est-à-dire, c'est à la fois très fragile ce qu'on est en train de faire, très solide parce qu'on l'inscrit dans le marbre des lois, et dès que le roi vient en accord avec les événements, il est acclamé, il continue. C'est dit en l'été 89, gloire à notre roi, restaurateur de la liberté française. C'est étrange cette phrase. Gloire à notre roi, restaurateur de la liberté française. Alors que je suis en train de définir une nouvelle liberté. Mais dès que le roi rechigne, fait deux pas en arrière après avoir fait un pas en avant, là se pose des questions. Et se pose des questions sur son entourage en particulier, que vous décrivez de loin en loin dans votre film Un peuple et son roi, Pierre Scheler. Comment vous êtes-vous fait des convictions historiennes ou historiques sur ces événements, sur le choix qu'il fallait faire en tant que cinéaste de tel ou tel événement? Comment vous est venue justement cette conviction qui vous permet de parler comme un historien, ou presque, sur votre vision de la Révolution française? C'est une sacrée question que vous me posez là. Écoutez, je l'ai faite en partant de mon inculture, par la lecture, par des lectures croisées, en prenant des notes, en faisant des chronologies, de manière très studieuse dans un premier temps, en recopiant beaucoup de choses, en recopiant les discours, en recopiant des faits, en rencontrant les historiens. Lesquels? Parce que tout compte fait, vous en créditez 5 ou 6 au générique. Il y en a 5 ou 6 en tant que conseiller historique, et il y en a presque 10 dans les remerciements. Ouais. Et je remercie Michelet. Il ne pourra pas vous remercier en retour. Il ne pourra pas me remercier, mais juste un détail sur les marges, sur le rôle des femmes dans la Révolution. Michelet s'est pas trompé. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un grand temps de silence autour du rôle des femmes, qui est celui de Napoléon, du 19e, du début du 20e. Il est là, le temps de silence sur les femmes. Les historiens que j'ai associés peu à peu, disons, c'est ceux que, c'est d'abord, les historiens m'ont accueilli avec beaucoup de d'hospitalité, de fraternité, même si j'étais pas un des leurs, parce que j'avais fait l'exercice de l'État, c'était un film qui était au cœur du processus politique. Et sur la Révolution, ça leur semblait plutôt une bonne entrée, et que ils souffrent, ces historiens d'aujourd'hui souffrent de la place de la Révolution dans la culture et les arts, même si ça bouge. Ça a bougé avec Creusevaux, ça bouge avec Pommerat, ça a bougé avec Mouchkine. Bien sûr. Mais c'est encore minoritaire. Je peux pousser un petit... Allez-y. Voilà, un petit cri comme ça de rage. Assassin's Creed, le temps de travail phénoménal qu'ils ont eu à construire ce Paris ancien, ils auraient pu aussi le passer un petit peu sur le respect des hommes et de ce qu'ils ont fait. Et là, au respect de la chronologie. Et pourtant, ça coûte pas grand-chose. Il y avait des historiens qui étaient autour, plus ou moins. Voilà. Alors, ça coûte pas grand-chose de respecter un peu plus que ce que font les hommes, que ce qu'a été l'urbanisme de Paris à l'époque. Oui, c'est un jeu vidéo, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, effectivement, qui fait se trimballer dans des périodes historiques différentes des personnages qui sont donc connus sous ce nom de Assassin's Creed. Donc, et ces personnages-là ont posé leurs pieds dans le Paris révolutionnaire, justement, il y a 3 ans de cela, ou deux ou trois ans. Et effectivement, ces personnages-là évoluent dans un décor dont on dit qu'architecturalement, il correspond assez bien à ce que pouvait être le Paris de l'époque. Voilà. Par contre, la vision des hommes, c'est comme si on racontait De Gaulle 1m60 et pieds noirs, quoi. Aujourd'hui, j'en suis à me dire que j'ai fait un pacte faustien avec les historiens, qui est pas le pacte de l'éternité, mais le pacte du présent. C'est-à-dire que on est dans un film. C'est une représentation. C'est une illusion. C'est une représentation du moment d'aujourd'hui. Fait d'aujourd'hui. Ouais. Bien sûr, mais ça va de soi. Ouais. Parce que, par exemple, quand vous titrez un des chapitres « L'insurrection qui vient », évidemment, on peut pas ne pas se dire que c'est nourri d'autres choses, d'autres lectures que simplement la lecture des historiens, puisque c'était le titre d'un des livres très célèbres du Comité Invisible, par exemple, paru aux éditions La Fabrique. Alors, sur ce point-là, qui est un point d'interférence entre aujourd'hui et alors, c'est que je crois que je voulais mettre en avant cette forme d'insurrection, cette forme de soulèvement, et si c'est vrai, ça sort peut-être du film parce que c'est quelque chose d'actuel, mais pour moi c'était plutôt pour montrer comme un écho immédiat, et quelque chose, il y a dans la Révolution des dimensions intemporelles, c'est-à-dire que la demande de droit aujourd'hui qui se passe autour de la condition des femmes est posée dans une dimension de demande de droit qui est extrêmement proche de demande de droit de 89. On ira à Paris tout droit s'installer loin de la canaille. Accompagnés de leurs petits. Avec qui vous êtes venus et danser sur nos cocardes. Alors il fallut guérir et abattre 15 ou 3 gardes. À la vue de leur canon, le roi de Bagou comme un mouton. Le roi de Bagou comme un mouton. Qui boira l'eau de la Seine, le roi tour à Gaillardie. Nous sommes avec Pierre Scheler pour le premier volet d'une série d'émissions consacrée à la relecture ou aux relectures de la Révolution française. Pierre Scheler qui sort en salle mercredi son film Un peuple et son roi, qui résume la vision qu'il a de la Révolution française depuis la prise de la Bastille jusqu'à l'exécution de Louis XVI. On entendait ces lavandières en bord de Seine, et ça me permet de vous poser la question de savoir comment on travaille en tant que cinéaste avec des historiens et des historiennes. Évidemment, là, les lavandières en bord de Seine, ça me fait penser immédiatement au travail d'Arlette Farge et de ces chants populaires qu'elle nous a si souvent racontés ici, à la Fabrique de l'Histoire. Vous aviez 5 ou 6 référents historiques principaux pour ce film. Comment, au bout du compte, avez-vous fait pour pouvoir trancher entre des visions de l'histoire de la Révolution française qui sont très différentes? L'intime, l'amour, la proximité pour certains ou certaines, la parole politique dans l'Assemblée pour d'autres, le peuple, justement, le roi peut-être pour d'autres, les anti-révolutionnaires pour d'autres encore. Comment avez-vous fait pour rassembler les visions de Timothy Tacket, de Guillaume Mazot, de Sophie Vanish, d'Arlette Farge? Je crois qu'il y a Patrick Boucheron aussi à un endroit ou à un autre, dans ceux que vous remerciez dans le film. Mais c'est pas eux qui écrivaient. Moi je les sollicitais là où je rencontrais des difficultés à écrire. Ils ont relu deux versions du scénario. J'attendais d'eux une réaction de spectateur. J'attendais d'eux qu'ils me pointent des incohérences, des erreurs, parce qu'on est quand même très soumis à l'erreur. Il en reste dans le film. Je sais où elles sont. Il y en a quelques-unes, mais c'est des erreurs de détail. Mais le point de vue, il s'est forgé assez vite avec cette idée de peuple actif, de peuple politique, et que maintenant je l'appelle peuple décisif. C'est-à-dire que on a chassé des événements révolutionnaires la part active du peuple, où on l'a déformée. Quand je parle de la part active, je ne parle pas de la part réactive, ni la part pulsionnelle, ni la part capricieuse. Je parle d'une part responsable, décisive. C'est pourtant Michelet que vous citiez tout à l'heure qui nous a appris tout cela, et au bout du compte, on ne l'a pas vraiment chassé, Michelet. Il est toujours en arrière-fond de nos lectures de la Révolution française. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est que la révolution est devenue génératrice de violence et associée à la violence d'emblée, et ça reste encore très fort. Oui, ce sont deux lectures de la Révolution française, on en parlera demain avec Antonino De Francesco qui nous explique que dès 1789-90, des écrivains commencent à élaborer cette vision, des historiens de l'instant, pourrait-on dire, ou du temps présent, commencent à élaborer cette version d'une révolution qui n'est que violente, et puis d'autres, évidemment, vont avoir une autre vision qui est plus proche de la vôtre, Pierre Scheler. Il y a donc dès l'origine cette tension entre deux lectures, la violence étant au cœur pour certains de la Révolution, d'autres, la conquête des droits, l'émancipation étant au cœur de la Révolution, et les deux visions étant très antinomiques et n'arrivant souvent pas à se réconcilier dans une œuvre. Mais vous croyez pas que moi j'ai l'impression d'avoir senti dans la Révolution quelque chose de l'ordre d'un mouvement de civilisation. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler que les événements révolutionnaires sont enseignés partout dans le monde. Non pas comme un événement de l'histoire de France particulièrement violente, mais comme un fait de l'histoire du monde. Antonino De Francesco, qu'on aura demain à notre micro dans son livre qui paraît dans deux jours, nous dit qu'il a l'impression, lui qui s'est lancé dans l'histoire de la Révolution française dans les années 70, eh bien, cette dimension mondiale ou exceptionnelle de la Révolution française est en train d'être relativisée un peu partout dans le monde, dit-il, que ça perd de sa force, justement, d'exceptionnalité, dit-il. Bah alors, très bien. Donc vous allez la relancer avec votre film. Mais ce que je... Oui. Ce qui est étonnant, si vous voulez, ce qui me touche profondément dans ce que j'ai trouvé, parce que la vraie source du film, ce sont les archives. C'est-à-dire, les historiens étaient un chemin vers les archives. Et quand tout d'un coup je découvre Gallica quel outil de travail c'était Gallica pour moi d'aller au discours, même si c'est pas de l'immédiat du discours, c'est un petit peu après, hein, on sait bien que c'est un petit peu après. Mais néanmoins, vous y voyez beaucoup de choses. Et vous y voyez, moi j'y vois, d'abord la part de risque et de courage qu'il a fallu à ces hommes et à ces femmes à des moments très précis de se lancer comme ça dans un monde inconnu et de le tenir et de le découvrir. T'inquiète, le montre bien qu'on n'est pas du tout sur un projet préétabli et que c'est un projet qui se construit en se faisant. Et ça, et là, il y a quelque chose. Et surtout, et comme ça se construit en se faisant, et qu'ils ont conscience que ça vient toucher à des modes profonds de la vie de chacun, ils en appellent à Rome, c'est-à-dire à des fondations du passé, et ils en appellent aux générations futures. C'est-à-dire qu'ils ouvrent à la fois dans le temps et ils ouvrent dans l'espace. À un moment donné, dans le film, l'oncle, joué par Olivier Gourmet, parle que l'univers te regarde. Et donc, dans cette façon de mettre le peuple en scène, parce que c'est vraiment ça qui est le cœur de votre travail, Pierre Scholler, vous privilégiez certains moments, vous privilégiez par exemple une scène généralement oubliée de la Révolution française, la fusillade du Champ de Mars. Et vous oubliez, mais peut-être volontairement aussi, même si vous le mentionnez dans un dialogue entre Olivier Gourmet et Noémie Lvovsky, les massacres de septembre qui suivent. Mmh. Donc, il y a une vision de l'histoire de cette révolution active, plutôt du côté du Club des Cordeliers et du côté des Jacobins, donc plutôt effectivement attentive à ce qui se dit dans ces clubs-là, ces clubs qui sont les premières victimes du Champ de Mars, mais peut-être aussi les premiers acteurs des massacres de septembre, Pierre Scholler. Oui, c'est vrai. Alors, la question sur les massacres, ça y était dans un état antérieur du scénario, et des massacres de septembre. Ouais. Il m'aurait fallu 3 heures, enfin 1 heure de plus ou 1 heure et demie, et à un moment donné, Mais ça n'est pas par gêne pour justement question de la violence du peuple aussi. Non, parce que si vous regardez bien le dialogue qui se joue entre l'oncle et Solange. J'ai bien écouté, effectivement. Il dit les pauvres, paix à leur âme. Paix à leur âme. Et il est touché à ce moment-là. Il est touché à ce moment-là. Et les morts de septembre, lui dit Noémie Lvovsky, Solange, et il répond cela, paix à leur âme, dit Olivier Gourmet. Mais d'une certaine façon, en ne les mentionnant pas, un auditeur un spectateur qui ne connaît pas cette histoire ne peut pas même savoir à quoi cela fait référence. C'est aussi cela, la difficulté. Après, l'écho des massacres, c'est aussi le passage de Danton qui suit. Autour de ces questions des prémices de la terreur et d'être terrible ou non, et qui doit être terrible. Ce qui était difficile dans le film, alors moi je vais vous dire, c'est assez simple. Je pense qu'il y a des choses belles, bonnes, modernes, humanistes qui se produisent à la Révolution. Que la révolution n'est pas un chemin de violence. Je pense qu'il y a à la révolution quelque chose qui existe, qui est un mouvement de tous aux politiques. Et aux politiques, aussi bien dans la contradiction aux événements que dans ces événements. Et ce qui m'a intéressé, c'est cette énergie de tous dans la politique. Parce que je sortais d'un film où il n'y avait plus que l'énergie de quelques-uns dans la politique à sauver leur peau. Et je crois que c'est quelque chose dont j'avais besoin, que j'avais besoin de partager, même en tant que citoyen, cette énergie de tous à la politique. Mais est-ce que justement ça n'est pas une sorte de mantra que vous vous donnez à vous-même, que de dire oui, le peuple peut être politique dans un moment où vous avez fait le diagnostic pour le film précédent, L'exercice de l'État, qu'il n'y avait plus, comme vous venez de le dire, Pierre Scholler, que quelques-uns qui s'intéressaient à la politique. Et effectivement, la question, c'est de se poser de savoir ce qu'on va rechercher dans cette Révolution française, qu'on ne trouve plus dans notre société d'aujourd'hui, ou qu'on pourrait peut-être trouver en se disant, c'est peut-être là, sourd, prêt à ressurgir, en espérant que ça ressurgisse, Pierre Scholler. Alors, on est dans la fabrique du présent. On a changé d'émission. Non, mais c'est parce que votre film va être vu au présent. Bien sûr. Mais alors, si vous voulez, quand je parle, j'ai vraiment voulu que ces événements soient vus dans un passé. C'est-à-dire qu'on aille au passé. C'est vrai. On va au costume. On va à leur langue, on va à leur lumière, Joël Pommerat dans son Saïra, fin de Louis, dans lequel il habille tous les personnages en contemporain et il nous raconte une histoire de qu'est-ce qu'une assemblée réunie peut-elle dire de la politique. Voilà, il fait un tango entre le passé et le présent. Bien sûr. Extrêmement réussi, extrêmement intéressant. Ma démarche était de garder la séparation entre le présent entre notre monde et leur monde, et de quitter notre monde pour aller voir ce qui avait lieu. Et j'étais très frappé de voir que ce qui avait lieu, d'abord on le comprenait, ça rayonnait, ça nous interpellait. C'est vrai. Et ça pouvait nous toucher, ça pouvait nous réveiller. Mais quand je parle d'un réveil, il ne s'agit pas de reprendre le fil de l'action révolutionnaire de cette époque et de le poursuivre. Ça, j'y crois pas. L'homme a changé, la société a changé, le monde a changé. Il ne s'agit pas d'aller. Pour moi, il s'agit de revitaliser la présence aux politiques, mais pas forcément exactement l'œuvre qu'ils ont définie. Par exemple, vous insistez beaucoup, et c'est fort intéressant, à de nombreuses reprises dans votre film, Pierre Scheler, sur la religiosité. On jure au nom de Dieu, on parle de la Vierge Marie, on n'est pas dans un monde déchristianisé, et vous y insistez, et là c'est effectivement sûrement la lecture des historiennes et des historiens, et peut-être votre propre conviction, qu'effectivement c'était un monde qui était autre que celui que nous connaissons aujourd'hui, qui a fait la Révolution française, Pierre Scheler. Et dans sa croyance, dans sa vision du monde, dans la sacralité du roi lui-même, puisque je l'ai dit, vous ouvrez le film avec le lavement des pieds le jour du jeudi saint, par le roi qui dit « Le Seigneur n'est pas venu pour être servi, mais pour servir ». C'est-à-dire que ce que j'ai senti, c'est que il y avait un rapport charnel aux gouvernants, et il y a ce fait que les pourquoi c'est comme une passion. Vous voyez, il y a une passion qui se dessine, et la passion, elle va vers l'enthousiasme ou vers la le sacrifice, le sacrifice. Mais ça veut pas dire qu'il y a à l'essence du politique une dimension religieuse. C'est aussi dans ce politique-là, en tout cas. Non, que c'est leur existence. C'est pour ça que le point de vue des femmes me semble important dans le film. C'est parce qu'à un moment donné, le politique, c'est aussi de l'ordre de la sensibilité à la vie, un rapport entre ce qu'on vit et ce qu'on souffre. Est-ce qu'on peut faire ? J'ai pensé plusieurs fois, en voyant votre film et en le revoyant, parce que c'est un film qui mérite d'être revu, Pierre Scheler, à un film qui traite d'une toute autre période, mais qui est un très grand film historique, La Reine Margot de Patrice Chéreau. On y voit le roi, son entourage. Contre vous, il est opposé à vous, parce que c'est d'abord l'entourage du roi seul, d'une certaine façon, qui est entouré par tous ses conseillers, ses conseillères, sa mère, etc., etc. Et de l'autre côté, le peuple de Paris. Mais c'est comme une sorte de vision inversée entre une période et l'autre période. D'ailleurs, on y trouve un personnage qu'on retrouve chez vous, Henri de Navarre, qui deviendra Henri IV, puisque vous inventez une scène il y a une scène incroyable de vision de Louis XVI, de ses propres ancêtres, qui lui reprochent son laxisme, le veto qu'il n'a que, le seul veto qu'il a pour pouvoir répondre aux prétentions de son peuple, et donc d'une certaine façon d'avoir perdu la sacralité de la branche qu'il représente des Bourbons au pouvoir. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette scène, je suis allé la trouver dans les archives, ou les archives l'ont trouvée pour moi. C'est-à-dire qu'elle vient d'un pamphlet réactionnaire, et c'est là où c'est étonnant de voir que ces mouvements, ces événements politiques génèrent aussi beaucoup d'autres choses. Il génère des chants, il génère des objets, il génère une culture vestimentaire, il génère de la caricature, il génère du dessin. Vous voyez, et c'est pas un mantra de le dire, mais je pense qu'il y a vraiment un temps d'invention. Et c'est ce temps d'invention, moi, qui m'a passionné. Les insurgés arrivent par milliers des faubourgs. Il n'y a de sûreté que dans l'Assemblée. Mais enfin, monsieur, où sont nos troupes? Il n'y a pas assez d'hommes pour garantir votre défense. Sire, ce n'est plus une prière que nous venons vous faire, mais un devoir. Monsieur Roderer, répondez-vous de la vie du roi? Oui. L'Assemblée sera votre refuge. Voilà donc Louis XVI assiégé aux Tuileries qui doit peut-être, sur les conseils de Roderer, rejoindre ce qui va faire l'Assemblée nationale parce qu'il est menacé. Une scène historique connue de toutes les bonnes histoires de la Révolution française. Comment choisissez-vous ces tableaux qui parsèment comme cela, tableaux historiques qui parsèment votre film Pierre Scheler? Alors, sur une scène comme ça, je lis ce que je peux trouver en partant de Michelet, en partant d'ouvrages, par exemple une biographie de Louis XVI, par exemple des récits plus marqués dans un héritage de Soboul. Ou, vous voyez, je croise les regards et surtout, assez vite, j'isole le moment dans les archives parlementaires. Et ce matériel, je le relis, je vois les contradictions et j'essaye de me faire une idée juste de la scène et de la représentation que vous alors, nous donnez de cette scène. Alors la représentation, en fait, comme je vous dis, je n'ai absolument pas prétention à faire de l'histoire objective. Je suis un personnage qui est Louis XVI. Je suis un moment. Je suis un mouvement fictionnel, un mouvement d'énergie émotionnelle entre comment un peuple en est arrivé à se défaire de cette figure tutélaire. Voilà, je suis ça. Et suivant ça, je tombe sur des choses qui m'intriguent. Ça m'a intrigué que la prise du palais des Tuileries se fait alors que le roi, on a exfiltré le roi à l'Assemblée et il dit il y a ce refuge. Ça veut dire quelque chose que ce roi soit à l'Assemblée pendant la prise des Tuileries. Tout a un sens en fait. Tout raconte quelque chose dans l'incertitude des événements. Pourquoi y a-t-il ce personnage assez formidablement, enfin tous vos acteurs sont magnifiques, Pierre Scheler, mais Olivier Gourmet, que vous avez déjà fait tourner dans un précédent film, est un personnage remarquable. C'est l'aveuglé de la Révolution. Pourquoi est-il aveuglé? Il est aveuglé à un moment de la Révolution. Il est aveuglé. Vous savez pas la suite. La suite est en train de s'écrire, j'imagine. Mais c'est l'aveuglé qui, pourtant, est le premier à voir le soleil le jour où la Bastille, qui couvre le faubourg Saint-Antoine de son ombre, est détruite. C'est-à-dire que les tours de la Bastille finissent par être détruites, et il est le premier à dire à tous le soleil arrive. Quelque chose change dans la société à partir de cette prise de la Bastille. Mais c'est lui qui va être aveuglé dans la deuxième partie du film. Je me suis posé la question de cet homme qui est entre lumière et aveuglement, alors que c'est l'homme du feu puisqu'il est souffleur de verre. Mais ça, c'est un cinéaste ne sait pas tout. Mais en tout cas, un cinéaste, à un moment donné, il y a des images qui viennent. Et ce côté mythique, et d'ailleurs, je suis très heureux d'avoir entraîné Olivier sur un personnage qui a cette dimension-là. Ça prend une dimension légendaire, tout d'un coup. Beaucoup des personnages que vous avez ont des dimensions légendaires. Ouais. Même le roi guillotiné à la toute fin C'est une méduse. Vous croyez qu'on est, vous croyez qu'on est pétri en croisant son regard? C'est une question qu'on se pose en tous les cas, telle que vous la représentez, qui à partir des gravures d'époque, évidemment, cette tête du roi brandie au peuple de Paris, quand on la regarde, c'est une méduse. On a très peur, on se dit, est-ce que elle annonce, cette méduse, autre chose dans cette révolution joyeuse de ceux qui se libèrent de leur roi? C'est ce qu'ils craignaient. Eux-mêmes craignaient énormément, pas forcément la glaciation énoncée par Saint-Just après, mais un déluge. Ils craignaient plus le déluge de feu et de violence qui allait s'abattre sur la France. Et puisque vous évoquez Saint-Just, une interprétation de Saint-Just, la vôtre. La parole est au citoyen Saint-Just. Je dis que le roi doit être jugé en ennemi, que nous avons moins à le juger qu'à le combattre. De peuple à roi, je ne connais pas de rapport naturel. Les citoyens se lient par le contrat. Le souverain ne se lie pas. Pour moi, je ne vois point de milieu. Cet homme doit régner ou mourir. Détrompez-vous, monsieur Saint-Just. Juger le roi serait la moindre des dignités. Il opprima une nation libre. Il se déclara son ennemi. Il abusa les lois. Il doit mourir pour assurer le repos du peuple, puisqu'il était dans ses vues d'accabler le peuple pour assurer le sien. On ne peut régner innocemment. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Il est le meurtrier de la Bastille, de Nancy, du Champ de Mars, des Tuileries. Quel ennemi ? Quel étranger nous a fait plus de mal ? Voilà donc un plaidoyer de Saint-Just dans l'Assemblée, la Convention, qui va voter la mort du roi. C'est assez formidable, je dois reconnaître, que d'avoir ainsi reconstitué, Pierre Scheler, l'ambiance de ces assemblées nationales, législatives, la Convention, dans cet endroit central de Paris qui était le manège du côté des Tuileries. C'est assez formidable parce que là, on a beaucoup lu Timothy Taquet et on sent qu'il y a quelque chose de Taquet derrière. Comment prend-on la parole? Qui prend la parole? Dans quelles conditions la prend-on? C'est remarquable, d'autant que vous avez donné à de très grands acteurs comme Louis Garrel, le rôle de Robespierre, comme Nils Schneider, celui de Saint-Just, ou encore Denis Lavant dans un Marat halluciné et hallucinant. Dans deux ou trois scènes qui suffisent d'une certaine façon à justifier le fait que l'on puisse se rendre compte de ce qu'était cette ambiance révolutionnaire, Pierre Scheler. J'ajouterais à ces trois-là qui sont assez, enfin trois ou quatre, oui, Barnave. Bien sûr. Barnave, voilà, qui est important et qui, bien sûr, parce qui est joué par Pierre-François Garrel. Et effectivement, Barnave, parce que c'est celui qui est dans l'entre-deux, qui va devoir choisir à un moment de suivre le cours de la révolution telle qu'elle est en train de se dessiner, ou au contraire d'en échapper. Danton, c'est la même chose, oui. Tous ces personnages-là. Et là, il faut vraiment dire une chose très simple, c'est que vous avez beau travailler au plus près, vous avez beau solliciter les historiens, vous avez beau passer des heures dans les archives, si à un moment donné ça ne suit pas derrière, aussi bien à la lumière, au décor, au costume, de tous, pour fabriquer. Et en ultime émotion, le comédien. Le comédien doit être là. Parce que c'est un film sur l'incarnation. Vous parliez tout à l'heure de religion. Mais c'est vrai, vous le disiez, le roi, c'est l'incarnation du Christ. C'est celui qui est censé suivre l'exemple christique, puisque cette dynastie est une dynastie catholique et sacrée. Oui. Et l'incarnation est au cœur de votre travail, puisque simplement en tant que cinéaste, vous redonnez un corps à ceux qui n'en ont plus et qui n'ont que des corps de papier. C'est vrai? Oui. Barnave, vous lui faites dire, c'est dit, il le dit d'ailleurs, allons-nous terminer la révolution? La révolution ne doit pas toucher à la propriété, il faut arrêter le cours de la révolution, sans quoi nous allons être nous-mêmes emportés par ce cours de la révolution. Évidemment, il est contredit immédiatement par Marat, et on voit bien effectivement... Qui est là comme journaliste. Hein. Oui, qui est là comme journaliste et qui deviendra ensuite une personnalité centrale de cette affaire. Il est contredit par les tribunes aussi. Il est contredit par les tribunes aussi. Mais simplement, ce que vous notez bien, et c'est là où cela appelle un deuxième volet qu'on espère voir un jour, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter là. À la mort du roi. Bien sûr. L'avantage de faire cette césure à la mort du roi, c'est que ça me permettait de tendre une arche, un fil assez simple pour le spectateur qui n'est pas au fait de tous les événements révolutionnaires, parce que là, on est chez nous. Mais beaucoup dans le grand public, ceux qui vont aller voir le film, ils n'ont pas toute cette connaissance. Et loin de là. Et ça me semblait important de dire voilà, au moins on aura dans le film la mesure d'un destin. La mesure d'un destin, c'est celui d'une France qui était une royauté et qui devient une république. Et aussi de cette question de la prise de parole. On a célébré il y a quelques mois mai 68 avec ceux qui l'avaient fait et ceux qui ne l'avaient pas fait. On a réfléchi à cette phrase formidable et ce livre magnifique que je conseille à tous ceux qui s'intéressent à la question de la prise de parole, le livre de Michel de Certeau. Qu'est-ce que c'était une prise de parole? Et Michel de Certeau qui dit en 68, on a pris la parole comme en 89, on avait pris la Bastille, c'est-à-dire cette question de qu'est-ce que c'est que prendre la parole dans une société, de dire « je », alors que on est inclus dans un groupe, qu'on fait partie de la confrérie des souffleurs de verre, que l'on fait partie d'une corporation. Et cela, c'est très fort, effectivement, que d'entendre toutes ces paroles singulières qui surgissent d'un peuple que l'on voulait simplement unis dans une sorte de flou artistique, Pierre Scholler. Alors là vraiment, vous me faites un grand plaisir, parce que c'est pour moi un des points très importants du film. C'est-à-dire, je crois que c'est un temps d'opinion, mais au sens très très large. Un temps où chacun doit se déterminer. Où chacun doit... Mais c'est même pas qu'il se doit, c'est que, par exemple, la Landel, à la fin, celle qui résiste, c'est aussi une parole qui surgit, qui se construit, qui sera la parole du conservatisme. Ce qu'on appellera plus tard les contre-révolutionnaires. C'est-à-dire que s'il y a un deuxième volume, évidemment, on pourra peut-être les retrouver plus présents encore dans un deuxième tome de votre œuvre, Pierre Scholler, parce que ils vont devenir l'insurrection qui vient, mais ou la contre-insurrection qui vient, c'est-à-dire ils vont devenir la Vendée, par exemple. Oui, mais à chaque fois, j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'il y a un piège dans le mot « la révolution ». La révolution ne cesse, dans ces dynamiques politiques, de bouger, de mettre ceux qui étaient minoritaires deviennent majoritaires. C'est quelque chose de constant dans le mouvement de la révolution. Et donc, et le fil qui est suivi en 93 n'est pas exactement le fil qui est suivi en 89. Donc la contre-révolution elle-même bouge et sont passés à la contre-révolution des révolutionnaires de 89, vous voyez. Bien sûr. Voilà. Mais sur la parole, je veux dire un truc, c'est que la parole n'est rien sans l'écoute. La parole n'est rien sans la réponse. La parole n'est rien sans le débat. Le dialogue. Oui, là, je parle débat parce que c'est conviction et que vous avez dans le film des moments de combat, des moments où c'est le corps qui vient, où sont les armes qui parlent. Mais c'est des moments de rupture très forts qui se passent. Mais la révolution, elle se passe en public. Elle se passe dans un lieu de contradiction, dans un lieu de consensus. Vous voulez dire que l'espace secret, le secret du prince ou le secret du roi, est brisé en mille morceaux à partir du moment où tout le monde peut débattre dans cette assemblée nationale du sort du pays, d'une certaine façon. C'est-à-dire que tout ce qui était le propre de l'ancien régime, le roi décide en son secret, explose, dites-vous, à ce moment-là, même si c'est un peu idéaliste que de dire que ça explose Pierre Scholler. Ça n'explose pas, ça irradie, ça devient fractal. C'est-à-dire que une Pauline Léon peut venir interpeller les constituants ou les conventionnels. C'est ça qui est important. C'est que le politique n'est pas dans un monde supérieur. Et ce que je propose aux spectateurs, c'est d'être l'un parmi eux. Merci beaucoup Pierre Scholler d'être venu nous parler de votre film qui sort en salle mercredi donc et qui s'intitule, on l'aura compris, Un peuple et son roi, une sorte de réflexion justement sur la conjonction entre le peuple de Paris et le roi qui était Louis XVI, qui commence en la Bastille du côté du 14 juillet 1789 et qui se termine à la mort du roi en janvier 1793. Merci beaucoup d'être venu pour nous parler de cela et de votre rapport à l'histoire, puisque c'était le sujet de notre émission d'aujourd'hui. On continuera notre série d'émissions sur la Révolution française en recevant demain Antonino da Francesco qui sort un livre sur les histoires de la Révolution française. 200 ans d'une guerre de 200 ans, dit-il. Est-elle terminée? On en discutera avec lui. Puis on réfléchira mercredi à la question de la terreur, du tribunal révolutionnaire ou encore du directoire pour terminer notre série jeudi par le documentaire de Victor Massé de Lépine et Marie-Laure Ciboulet sur le bicentenaire de la Révolution et la place contenue dans le défilé du 14 juillet 1789, les musiciens qui avaient été convoqués ici par le metteur en scène qui était Jean-Paul Goude. Une émission comme d'habitude préparée par Aurélie Marsay et Céline Leclerc. À la technique avec nous aujourd'hui, Clément Daté, la réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en allant sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Une discussion très active s'est lancée sur ce groupe ce week-end autour des vertus ou des défauts de cette Révolution française. Et puis, vous pouvez également nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.